ni ni den donu weo wezo gwe nyo de kwelo wa ni ni den donu weo wezo gwe nyo de kwelo. Ah, j'ai jeté mon sac, je suis en bas de la cour. À peine 15 ans que la batte me course. J'ai séché les cours pour rejoindre mes potes. Je me suis mangé des gifles et des heures de colle. N'écoute pas la populace. Une fois sur scène, ils balleront les strass. Paillettes sur WAM, j'entends le bruit de la foule. Crochet tracé, c'est ma ligne, je ferai pas de tour. M'a pas connaître la défaite, j'suis un vrai winner. Mon père veut la villa et le Range Rover. Eh, mes potes me connaissent par cœur. C'est dur de dire je t'aime, on l'écrit par lettre. La rue m'a validé, j'ai pas besoin de témoins. Le chemin du succès n'est jamais très loin. Et là, sans mettre des bâtons dans les roues, j'irai pas me plaindre car j'ai tenu le coup. Oh, wanyinyi lo, diavi wa mila. Oh, wanyinyi lo, diavi wa mila. Wanyinyi dendono weo, weso kwe chinyo dekbelo. Wanyinyi dendono weo, weso kwe chinyo dekbelo. J'ai qu'un cœur, mais trop d'amour à donner. Ma chérie, faut me pardonner. Un tête à tête, un bouquet de fleurs, une bague en diamant et le tour est joué. À la vie, à la mort, t'es mis à mort. Je veux qu'on s'aime comme une mère et son enfant. Seule la mort peut me séparer de mes parents. Je veux me barrer et changer d'environnement. La vie est dure, pourtant je garde le sourire. Ça va vite, je me suis pas vu grandir. Et ce soir, je suis sur la scène. La mif, les potes, tout le monde se ramène. J'ai la pression, poteau, faut que ça marche. J'ai connu la galère, maintenant je tourne la page. Je suis pas tout seul, j'ai l'équipe dans l'ombre. On devient des frères, chez nous tous partage. Mon train de vie change. Je bosse tous les jours et j'ai fixé sur mon horloge. J'en ai fait du chemin avec mon réseau. Les concerts et les freestyles dans le bendo. On surmonte les étapes, on est soudés. Faut pas chez là, je prends du recul. Tout va trop vite, les plus sur terre, le succès s'accumule. Oh, wanyinyi lo. Wesong bae jinyo de pe.